This is Shaw TV. This is Shaw TV. Ça change, mi-ange, mi-démon. Je suis bloqué dans un monde entre l'étrange et l'immonde. La réflexion me gronde à cette heure-ci, j'ai pas de pèse. Je m'appelle sur des 16 et pour te dire, j'ai pas de salaire. Trop de galère dans ma life, alors les frères croient plus en moi. Je navigue dans Jaripa et j'en place une pour mes honnards. Marié à l'amertume et au contrôle d'identité. Mec, j'ai fleuré le bitume quand j'avançais les yeux fermés. Souvent jeteur de pierre durant les règlements de compte. J'ai sûrement fait partie de ceux qui t'ont roulé à coups de pompe. De ceux qui ont mis des coups de pompe, graffé mon plat sur les murs. Si j'en avais l'occasion, je reprendrais l'habitude. Hey. S'il faut, je me jetterai contre un mur pour oublier mes malheurs et puis tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai perdu et toutes mes bêtes d'idées. Entre le rap et la rue, mec, moi j'ai pas hésité pour ma cité. Les mecs cités dans mes mots, pour ceux qui ont hésité, à toi citer des nôtres. J'en place une pour ma ville, un check pour les autres. Je reste en au poteau et je lève un verre à la vôtre pour ma cité. Les mecs cités dans mes mots, pour ceux qui ont hésité, à toi citer des nôtres. J'en place une pour ma ville, un check pour les autres. Je reste en au poteau et je lève un verre à la vôtre. La zik m'a pas quitté, même quand tout allait pas. J'ai importé mes mots et dit ce qu'il fallait pas. D'ici à tout en bas, j'ai fait mes pas sur l'échelle. J'ai repéré à et ne compte pas toucher le ciel. La rue me rend fou, couze, j'ai le coup de blues. Entre les coups au cou et puis certains coups de douce. Des coups de mou, pas de coups de pouce, pisse. Des coups de coude en scred, d'entre 10 et coups de délire. J'fonce rien à battre, j'pleure tout en riant. De mon sourire sans la misère et c'est la même jusqu'à ce que j'crève. On souffle nous, sans aucune thune, on s'pousse nous. On retient pas notre souffle. Pour tous mes frères, mon staff musical, j'taferai jusqu'à la fin et c'est autant que j'aurai la dalle. Mes feuilles s'envolent comme celles des arbres face au vent. Mes mots font leur route et j'continue droit devant. Pour ma cité, les mecs cités dans mes mots. Pour ceux qui ont hésité, à toi citer des nôtres. J'en place une pour ma ville, un check pour les autres. Je reste sans au poteau et je lève un verre à la vôtre. Pour ma cité, les mecs cités dans mes mots. Pour ceux qui ont hésité, à toi citer des nôtres. J'en place une pour ma ville, un check pour les autres. Je reste sans au poteau et je lève un verre à la vôtre.